Éol, la cité du Nouveau Monde. Elle ouvrait les yeux. Mila ouvrait les yeux après 4 jours de coma. Un rat l'avait mordu au cœur, mais elle avait survécu et elle rouvrait les yeux. Mila ? Mila ? Elle se réveille ! Booz ! Elle ouvre les yeux ! Booz courut sur la branche menant au cœur du grand arbre, là où Mila avait été installée sur une couche faite de feuilles et de brins d'herbe. Quoi ? C'est vrai ? Tu mens pas ? Pourquoi je mentirais ? J'ai l'impression d'être un ballon de squidball ou pire, une pioche de creuseur. Non, bouge pas, Mila. Te lève pas, t'es encore faible. Mila ! Oh, comme je suis content ! Oh là là ! Oh, oui, je suis vachement content, alors ! Et tous s'amassaient à la porte comme hésitant à entrer. De peur, peut-être, de briser nos retrouvailles. Pour la première fois depuis notre arrivée dans le Nouveau Monde, nous nous retrouvions tous les trois. Booz ? Mais tu es... Oh, c'est une longue histoire, une très très longue histoire. Oui, mais tu vas pas la raconter maintenant. Je posais ma main sur le front de Mila. Il était encore tiède, mais la fièvre était tombée. Squeak, je sais d'où viennent les rats, je sais qui ils sont et... Comment ? Comment savait-elle quoi que ce soit de... J'ai juste acquiescé, le regard triste. Je sais aussi, Mila. Ils sont comme nous. César, Voltaire, Bender et les autres nous laissèrent seuls dans le grand arbre du conseil au chevet de Mila. Bender l'avait rapidement ausculté avant qu'il n'y comprenait rien, mais que finalement, Mila était définitivement guérie. Elle ne portait plus la maladie des rats. Elle n'était plus infectée, au contraire de Booz. Et ça te fait encore mal ? Assise sur son lit, le genou replié sous un bout de feuille, elle regardait la jambe de Booz. Oh non, ça va, ça a cicatrisé. Mais tu... Oui, je porte encore la maladie des rats. Alors, si on rentre chez nous... On trouvera un moyen. Jusqu'ici, si on est réfléchi, tout s'est finalement bien passé. Booz n'est pas mort, toi non plus, et on est tous les trois ensemble, avec peut-être la possibilité de rentrer chez nous. Ouais, sauf qu'on n'en a pas parlé à César. Il va encore s'opposer à nous, et tout nier. Depuis le début, les sages du conseil d'Éon avaient eu de cesse de nous juger comme les seuls fautifs de la venue des rats. En un sens, ils n'avaient pas tort. Mais nous étions tous plus ou moins coupables. Alors, comme ça, le grand dirigeant était au courant du Nouveau Monde. Mila et moi avons échangé un regard. Oui, j'ai... Enfin, c'est étrange. J'ai de vagues souvenirs de quelque chose de... Je suis certaine que les persévères m'ont parlé. Les persévères sont morts dans la galerie Est, Mila. Je sais, mais... Comment tu expliques que je sache autant de choses sur les rats ? Que je sache comment tout s'est passé ? Les expériences entre les rats et les Baefwish, prisonniers des hommes. C'est dur, des rats comme les Baefwish. Ils sont capables de réfléchir comme nous. À chaque problème, ils vont créer quelque chose pour le régler. S'ils accédaient à la technologie Baefwish... Ouais, ils sauront rapidement s'en servir. Moi, je voudrais bien un peu de calme maintenant. J'en ai marre. Depuis l'arrivée des rats, on n'a pas arrêté de courir dans les tunnels, de s'enfuir, de combattre. On n'a pas vraiment eu le moment pour souffler. Moi, je suis pas fait pour ça. Je suis fait pour creuser. Creuser. Nous étions faits pour creuser. Booz et moi n'étions que des creuseurs. Toujours. Et pourtant, quel creuseur pouvait se vanter d'avoir combattu les rats ? D'avoir tenu tête à Ratis ? Ce n'était pas un héros, pourtant. Nous nous sommes rencontrés au mauvais endroit. Au mauvais moment. Et tout naturellement. Nous sommes devenus des héros. Nous nous sommes regardés tous les trois, un sourire en coin. Il nous fallait accepter ce fardeau. Nous n'avions pas d'autre choix. Les rats vont attaquer Éol. Ils veulent prendre la porte menant à Wichiti. Mais c'est Éol tout entière qui risque d'être rasée. Gratis, rase gratis. On n'a pas trop le choix finalement. On a toujours tenu tête aux rats. C'est pas maintenant qu'on doit fuir. Vous êtes tous les deux conscients que tout sera bientôt fini. Quand Ratis attaquera Éol, ce sera notre seule chance de mettre un terme à tout ça. Nous n'aurons pas d'autres possibilités. Ouais, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et pour Wichiti ? Tu peux pas y retourner pour le moment à cause de la maladie que tu portes ? Ratis s'apprête à attaquer Éol. On doit rester ici pour le moment. Rien ne nous empêche d'explorer ce nouveau grand trou. Mais... Mais nous resterons ici jusqu'à ce que Ratis et les rats soient arrêtés. C'est une grande tâche qui nous attend. Comment je disais déjà les persévères ? Il ne suffit pas d'être grand pour faire de grandes choses. Et ici, on est dans les plus petits êtres au monde. J'ai posé la main sur celle de Mila. Et Boo s'est approché pour mettre la sienne par-dessus. Tous les trois. Je suis contente de vous voir tous les deux. Merci. Merci d'être là. Juste trois bifouiches dans le nouveau monde. Bifouiches.